بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سنستوي بتدريبات الدرس السادس، كذا السادس. أولا قلنا الأسئلة، الكيستيون. أجيبنا الأسئلة التالية: هل الحي الذي يسكن عثمان جديد أو قديم؟ يسكن في حي جديد جديد حي جديد دي. La réponse en vrai ce serait هو حي جديد. Il ne te demande pas où est-ce qu'il habite. Il te demande le quartier dans lequel il habite, est-ce qu'il est kaza ou kaza ou kaza. فهمت؟ Toi, ta réponse, ça revient à ce qu'il avait dit. اين يسكن عثمان؟ تقول يسكن في حي جديد. Alors ils te disent هل الحي. En fait, non, même pas Afouane. C'est Nam Amla, tu dis là. C'est Hel. Al-Hayy ou Al-Lazi Yaskunu Othman, Jadid, Aum Kadim. Ah ouais, Afouane, Nam, c'est Hel. Tu dis. On peut répondre Nam Amla. Hein? T'as cool, Wa Jadid. Non, Wa Jadid. T'as cool, Wa Kadim. En fait, c'est ça qu'il faut dire. Wa Jadid. Nam. À la base, j'aurais pas eu le choix à la fin, ça aurait été Nam Amla. Ils auraient dit Hel Al-Hayy ou Al-Lazi Yaskunu Othman, Jadid. Tu as dit Naam. Thanien, ma nour al-ghurafi wal-hammami wal-madbakhi allati yuriduha Abdullah. Yuridu nou'an wasi'atan. Nou'an wasi'atan. Wasi'atan. Wasi'an. Il veut un grand, un genre large, yani grand. Car nour, le wasi'an, c'est le sifa de nour. Et nour, c'est un muzakkar, c'est un muzakkar. On met tout le temps un alif quand c'est comme ça, à la fin du coup. Vu qu'il est. Mansoub. Ouais. À la base, c'est un tanouin. Mais pas d'alif. Et tanouin, il se met sur le tanouin, tanouin fatha. En fin d'un mot, il se met sur un alif. Donc, alif al-imad, il s'amma. Wasi'an. Naam. Thalithan. Limadha qala Uthman li Abdillah itma'in. Ça, j'ai mis « لِأَنَّهُ يَخَافُ أَنَّ لَا يَجِدَ لَا يَجِدَ مَنْزِلًا بَلْ لَا يَجِدَ شُقَّةً عَلَى الْكَيْفِيَةِ الَّتِي يُرِيدُهَا عَلَى الْوَصْفَ الَّذِي يُرِيدُهَا qui ne trouve pas un choqa comme lui il le cherche avec des grandes pièces. يعني لا يجد شقة على النوع المناسب له. فهمت؟ qui ne trouve pas un شقة dans le genre qui lui convient à lui. Donc il lui dit t'inquiète pas, il y a beaucoup de choix, tu vas trouver inshallah. طيب. قال كيف يستطيع عبد الله ان يجد شقة مناسبة؟ سيبحث في الصحف الاعلانات وفي مكتبي عقارية او تدي في مكاتب عقارية او تدي في مكتب عقاري في مكتب لا تمي صفة مؤنث موصوف مذكر فهمت ايزوم عقارية باسكو سي مكاتب سان جم جمع العقير سي كما مفرد مؤنث. Donc, si tu dis maktab, tu dis akari. Tu ne mets pas de ta. Il reste masculin. Akari. Et si jamais tu mets makatib, naam, là, tu mets akariya. Avec le ta. Est-ce que j'ai makatibou? T'as mis makatib? Ouais, mais. Makatibou. Il y a fi makatiba plutôt. Naam. Fi makatiba, akariyati. Tin. Tin. Naam. إلى أين يذهب عبد الله إذا أراد أن يسأل عن مسكن؟ إلى مكاتب العقارية. في المكاتب العقارية. طيب. سادس. ما المكاتب العقارية؟ مكان الذي فيه إعلانة شقق. يوجد فيه ماذا؟ إعلانته شقاقين. Non. Chicoquine. Non. Chicoquine. Dans lequel il y a des annonces d'appartements. Vide. Libre. Non. Sabi'an, limaza Abdullah mashhourun fi hadhihi al-ayyam. Innahu li'annahu yabhath maskanan. An maskanin. Quand tu dis yabhath, bahatha, tu dis an, cherche quelque chose, c'est bahatha an. Lima alam, j'ai jamais entendu sans an. S'il y a, je connais pas. Après, on avait dit Rabia. Khamis. On avait fait le Rabia ensemble. Khamis, c'est mettre les questions aux réponses suivantes. Uridu an astajira shakatan wasiatan. Mada yurid. Mada yurid. Là. C'est quoi la question, la réponse? Ou. أريد أو أي أنا ماذا تريد؟ أيوة ماذا تريد؟ هذا ثانيا في الحي مكاتب عقارية كثيرة. أين تبحث؟ اسمع جيدا في الحي مكاتب عقارية كثيرة. Dans le quartier, il y a beaucoup d'agences immobilières. Chut. Barden, ya Hindo. Là, c'est une question qui va être avec Eina. Par exemple. Qui parle d'un lieu. Là. Maintenant, tu peux dire Aina Ajidu Makatib Akariyatan. Aina Ajidu Makatib Akariyatan. Fil Hay Makatib Akariyatan Kathiratan. Tu peux dire elle fil hay makatibu. La coule fil hay makatibu akkadetun kathiratun. Elle avec elle. Quoi, c'est que sortait elle, il aurait fallu un âme. Au fond de l'eau, Zahab, il a had il makatib l'akkadia. أين تفضل الذهب؟ أين تفضل الذهب؟ أين؟ تفضل الذهب؟ نعم. لا، إلى أين؟ تفضل الذهب. لأن الذهب إلى متعلق إلى متعدي بإلى. C'est comme ذهب. Donc tu vas dire إلى أين؟ فهمت؟ إلى أين تفضل الذهب؟ Comme lui dans la réponse est venu. أفضل الذهاب إلى أحد المكاتب. Le harf al jar à la base, si tu trouves dans la réponse et qui est dans la question, la plupart du temps. ثالثا رابعا نعم الشقة خالية الآن. هل يجد شقة خالية؟ هل الشقة نعم. خامسا الشقة بنيت على الطراز الحديث. الشقة بنيت على ماذا؟ أو تجربتو على ماذا بنيت؟ على ماذا بنيت؟ لكن لا لغة تمين تدير كتديز كيف بنيت الشقق الشقق مثلا هذا احسن كنت تدي لاباس مي كنت تقول كيف بنيت الشقق تدي الشقق بنيت على الطراز الحديث كيف سويت بلوز ابروبريي جو بونس. سادسا قرات والاعلان امس ما ماذا قرأت أمس؟ نعم. وتو بو دير متى قرأت الإعلان كذلك. سابعا لم أرى مثل هذه العمارات في حينا. نعم. Tu peux dire, هل قد رأيت مثل هذه العمارات؟ قل لم أرى مثل هذه العمارات في حينا. نعم. يرغب في شراء سيارة جديدة. ماذا يرغب؟ لا في مثل الحرف والجر في المت. ماذا؟ في ماذا؟ في ماذا يرغب؟ C'était le sabia. Istamil kul kelimatin tayeb dans les phrases. Tfaddal. T'écoutes? Alors, Jimmy, je fais plusieurs phrases, je n'ai pas réussi à faire un nos. Deux et trois. Jimmy. Uridu shaqatan fi wasat al-Madina. Ça, c'est la première. Je veux un appartement au milieu de la ville. Ahtaju ila matbakhin kabirin. Ça, c'est la deuxième. Il est où? Aïwa. Mais, bon, je te l'accorde, mais tu n'as pas respecté les harakat du. J'ai pas les harakat. Tu les as pas? Ah, si, tu les as. On a le même livre, quand même. Mais bon, vas-y, je te l'accorde. Il est où? C'est où? Page 63. Tamad Bakhoun. Ah, ouais, j'ai mis Bakhoun. Alors, attends. Ah, ouais. خلاص قص الكتابيز إن شاء الله. alors j'ai mis un autre. زيدون مشغول لأنه بحث في الإعلان في الإعلان في الإعلان شققا عن بعث فمت عن دعية عن شققا لا من أنت من حط الجر على صار شنو الإعلان عن شققا شقاق c'est le genre de شقة شقاقين مبنية هذا مبنية مبنية على أيوة على الطراز الحديثي نعم لكن ما وجد رجل يعمل عن شقاقين للإيجار ولكن ما وجد ما وجد C'est quel mot que tu voulais mettre dedans? Itmain, ça veut dire quoi? Assure-toi. Assure-toi. Aïe. Ah ouais, je souhaite. Itmain. J'ai oublié un mot, je crois. Je crois aussi. ça veut dire je souhaite, il y aurait bouffé. Alors, rabou. راغبة يرغب أنا أرغب أرغب أي نعم النجد أرغب النجد النجد الذي نحتاج في حي آخر وفيه مثل هذه العمارات لكن أرغب تبي له في أما أرغب يا حرف وجهك هنا يا إيه طبعا تفرز أرغب إتمين يرغب أرغب في تبلو لا سكوت تبلو تجلس أرغب نعم إتمين نعم إلو أرغب إلو ما بده سيرغب يرغب نعم يمي يرغبون ta phrase, elle est itma'in. Non, je sais pas. Je pense que ma phrase n'a pas de sens. Elle a un sens, mais elle est mal construite. Répète-la. J'ai oublié un mot, je pense. Yalrabou, je voulais dire que rassure-toi, dans un autre. Je sais pas pourquoi Yalrabou, je l'ai dit comme ça. Il n'est pas à sa place, ça. Je voulais dire rassure-toi, dans un autre quartier, on va trouver des. Il y a des immeubles comme celui-ci. Ah, bah, il m'a dit, ça n'a fait une akhar, mais c'est la dit l'imarat. Mais vu que je voulais dire le Yalrabou, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit dans cette phrase. Tu as voulu rentrer le rond dans l'étoile. Le rond dans l'étoile, comme je dis souvent. C'est un trou avec un emplacement d'une étoile. Toi, tu as pris un rond, tu as voulu rentrer dedans. Mais il ne correspond pas. Inch'Allah. Al-Ansas, aucun des kalimètes. Voilà, comme on avait dit, on les garde pour tous les 5 ders. C'est mieux. Inch'Allah. Khafif al-ders. فلا هنا والحمد لله رب العالمين